temps autour de sa démarche sera animé par les conférenciers suivants. Maurice Fréchuret, Michel Gainle, Catherine Bernard, Georges Azaria, Guy Sioui-Durand et Jacques Mascotto. Pour plus d'informations, visitez interlelieu.org ou la page Facebook du lieu Centre en art actuel. Bonsoir, chers amateurs de rock progressif, et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. On a des nouveautés tout au long de l'émission, des primeurs aussi. Ce soir, on aura une nouvelle pièce de Björn Riis de son nouvel album apparaître le 3 mai. L'album A Storm Is Coming, une nouvelle pièce. Michel en a présenté une la semaine dernière. On a également le nouveau Banco qui va sortir, qui va paraître le 26 avril, donc c'est vendredi prochain. Banco avec l'album Transsiberiana, c'est leur 19e en carrière. Banco qui a été formé en 1969, qui est un légendaire groupe italien. Et c'est surprenant. En tout cas, l'album, cet extrait-là est pas mal intéressant, alors j'ai hâte d'écouter l'album. Alors, on aura une pièce de Banco, donc La Salto dei Lupi. On aura la pièce Stormwatch de Björn Riis. On a également le nouveau Conqueror, une formation italienne. C'est leur 6e album. Cet album-là s'appelle In Orbita. Alors, on aura une pièce de cet album-là pour débuter l'émission. Et on aura également le nouveau Big Big Train, un extrait du nouveau Big Big Train. Là, la nouvelle pièce est parue aujourd'hui. On aura en plein de nouveautés encore tout au long de l'émission, donc restez avec nous. On y va tout de suite en musique, donc avec Conqueror, ensuite Björn Riis et Banco. Thank you. vivere con gli occhi e con la mente, senza pensare, con cuore sereno, pronto a prendere il volo in questa esperienza unica, in questo viaggio solo, nel mio viaggio. Thank you. gravitational waves? What are they? What does it mean to explore the universe? What are black holes and what happens deep inside them? What is a neutron star? What is time? Is the universe forever expanding? Are we just a figment of our own imagination? Are we living in someone else's dream? Black holes. Are they portals to unknown dimensions? Are they portals to unknown universes? Or are they portals to unknown consciousness? There's a storm coming. I can see it miles ahead. As I feel the cold wind, the rain wash over me. There's a storm coming. Wherever I hide, there's a storm coming. And you better run and hide. Save me from the storm. there's a storm coming. I can see it now. There's no turning back. We're gonna break and shovel down. There's a storm coming, and I can see it coming our way. And you. We'll be right back.

hai mai guardato negli occhi un lupo? Quando ha scoperto che sei la preda, lui è convinto di essere un uomo. La nouveauté de Banco del Mutuo Soccorso, qui est ce groupe italien légendaire, fondé en 1969, qui viennent de ils vont faire paraître là, bientôt. En fait, c'est vendredi prochain que va paraître ce nouvel album de Banco, et cette pièce était l'Assalto dei Lupi. Alors, le titre de l'album, ça va être Transsiberiana. Alors ça s'en vient, puis c'est pas mal intéressant là, entendre ça, là, un mélange de musicalement, on avait des similarités un peu avec du Alan Oldsworth. Le vocal, évidemment, est très différent puisque le chanteur de la formation originale est décédé maintenant. Alors, ça promet pour Banco. Juste avant, c'est Bjørn Riis. Bjørn Riis, d'un nouvel album qui va paraître le 3 mai. L'album qui s'intitule A Storm Is Coming. Alors, il est de la Norvège. C'est son troisième album et il va être en spectacle... ici à Québec, au Centre d'Arles-la-Chapelle, le 17 mai prochain, avec la formation norvégienne Oak, cette journée-là. Il reste peut-être quelques billets, et c'est dans le cadre du Festival Terra Incognita, les samedis et dimanches, c'est affiche complet. Mais il y a des groupes de partout. Ça a été annoncé que le dimanche, là, Inner Space ne pourront pas faire le spectacle, ils ne pouvaient pas faire le spectacle, alors c'est Inner Odyssey qui vont venir présenter un spectacle. Ils ont des nouvelles pièces, ils travaillent sur un nouvel album. Alors, ça sera le troisième album là, qui s'en vient pour Inner Odyssey, et qui seront cette journée-là avec Fido et Finisterre. Et ben, le samedi, comme vous le savez probablement, Basta, Is et enfin Airbag. Alors, c'est à ne pas manquer. Il y a également le 14 mai prochain à la salle Sylvain Lelièvre la formation Riverside. Ils sont à Montréal aussi au Club Soda le lendemain. Il y a également Steve Hackett là, qui a annoncé son spectacle en septembre. Ça, c'est le 15 septembre prochain au Grand Théâtre. Il y a également Kansas, la formation américaine, qui a annoncé un spectacle le 1er novembre au Grand Théâtre. Plus près, le 31 juillet, au Bar Lanty, les Aristocrates. Je ne sais pas s'il reste des billets. The Pineapple Thief aussi, le 26 novembre, qui a été annoncé. Le 1er juin, au Palais Montcalm, fait voir le Prog Story, si vous ne l'avez pas vu ou si vous voulez le revoir. Et King Crimson le 17 septembre au Théâtre Saint-Denis. Malheureusement, pas de spectacle pour Québec. Et plein de bons spectacles, évidemment, qui s'en viennent. C'est merveilleux. Il y a d'autres spectacles, j'en oublie. Mais bon, on y va en musique avec la nouveauté de Big Big Train. Big Big Train, cette formation... qu'on aime bien, et ils ont un nouvel album qui va paraître le 17 mai. Donc l'album Grand Tour apparaît le 17 mai, et en fait on a un premier extrait là. Ils ont fait une vidéo avec ça, vous pouvez le voir là sur leur site. Si vous allez sur Facebook, vous allez avoir les liens, etc. Alors, on y va avec cette pièce-là, intitulée Alive, tirée de Grand Tour, là, qui paraîtra au mois de mai. On aura également RPVL, on vous en a parlé récemment, parce que l'album est paru il n'y a pas longtemps, le 30 mars, et ils sont en promotion. Ils font une tournée européenne, donc ils ont fait tout le mois d'avril des spectacles. Ils étaient en Belgique hier et avant-hier, là, ils s'en vont aux Pays-Bas. Et tout le mois d'avril, et pour faire la promotion de ce nouvel album Tales from Outer Space. Alors, on a également ça. On a également le nouveau Rhys March. Rhys March qu'on avait vu ici à Québec, à Terra Incognita, il y avait quelques années. Rhys March et son nouvel album October After All. C'est son 7e album, quand même. Lui, il est d'origine du Royaume-Uni, mais il est en Norvège depuis plusieurs années et producteur là-bas. Donc, on aura une superbe pièce. Moi, j'aime bien ça, là. Ride the New Wave de Rhys March. Et également Steve Hackett, comme je le disais, qui sera en spectacle là, au mois de septembre. De son nouvel album. Alors, on y va. Tout ça en musique avec Big Big Train d'abord. Bright blue as we're touching the ground. So curious after years of traveling out to space. Now we're standing on Earth, a green world to behold. Cities of light, life and hustle of the human race. Ah, oh, that's the way they do it. That's the way they feel. A planet that could offer more than you will ever need. Ah, oh, that's the way they do it. It's not our place to be. Dumb as they are, they think they are a it's not our place to be. We'll be right back. 89.1. Quel match! Quel match! Vous voulez tout savoir sur les remparts, le Rouge et Or, les capitales, le sport scolaire et professionnel. Première Loge Sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard, en compagnie de Marie-Pierre Gosselin et de nos différents chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30. Première Loge Sport. Cette émission vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. 1188 1ère Avenue Limoilou, 418-529-7988. Alimentex.ca. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Maison de la famille de Québec, Centre Étape, Atelier de la Mézanine et Centre Jacques Cartier. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Toujours à l'écoute de l'émission Terra Incognita. Ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était Steve Hackett tiré de son plus récent album At the Edge of Light avec la pièce Fallen Walls and Pedestals. Juste avant, l'artiste britannique qui est maintenant installé en Norvège depuis longtemps, Rhys Marsh, tiré de son nouvel album et son album October After All, et c'était la pièce Ride the New Wave. Juste avant, RPVL de leur nouvel album Tales from Outer Space, Seven Episodes Beyond Belief, et c'était la pièce Not Our Place to Be. Avec des superbes accents de vieux Pink Floyd. Là, justement, il y a eu récemment, cette semaine, en début de semaine, Nick Mason qui faisait son spectacle. Là, j'aurais tellement voulu voir ça. J'aime cette période de Pink Floyd. Alors, ça les a inspirés, évidemment. Et juste avant, ben, on a vu Big Big Train, la nouveauté de Big Big Train, là, une nouvelle pièce avec une vidéo qu'on peut voir aujourd'hui, la pièce Alive, tirée de leur album Grand Tour qui paraîtra le 17 mai prochain. Alors on y va maintenant en musique avec trois nouveautés, deux américaines et une du côté de l'Allemagne. Et tout d'abord, Consider the Source. C'est un album, c'est un trio américain. C'est leur cinquième album là, depuis 2007. C'est instrumental, un power trio, vraiment avec clavier, basse et percussion, drum et percussion. Et il y a des super bonnes pièces sur ça, franchement. Là, c'est l'album You Are Literally a Metaphor. Donc, tu es littéralement une métaphore. Et ben, ça vaut la peine d'être écouté. On aura la pièce The One Who Knocks. Ensuite de ça, le groupe allemand T. Hein, T, c'est Thomas Thielen. C'est son septième album, lui, depuis 2002. Et c'est une espèce de le troisième d'une trilogie là, avec les deux albums précédents. Et celui-là, c'est Solipsistemology. Ce sont toujours des titres. C'est un seul homme là, qui fait tout, là, tous les instruments sur ça, qui fait le chant aussi. On pourrait comparer un peu à Crabtree, je trouve, comme dans son style, surtout dans son style de chant. Alors, T, le nouvel album, ça vient tout juste de paraître. Et également, une autre nouveauté des États-Unis. Et le groupe Not Otherwise Specified. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce groupe-là avant. Not Otherwise Specified, et c'est en fait le projet du multi-instrumentiste Craig Curley. Et c'est son nouvel album, là, son troisième album, Dead Weight. Alors, ça faisait 5 ans là, qu'il n'en avait pas fait. En fait, le premier en deux. Il y a à peu près 4-5 ans de chaque album. Donc, Dead Weight, un nouvel album de Not Otherwise Specified, le T et Consider the Source. On débute avec Consider the Source sur les ondes de CKRL. There's something else here inside our head. A smell of hatred and empty stare. There's something else here. I understand. I am the leakage. I am the stare.

9h. T'es tanné de la cabane à sucre style cafétéria? T'as envie de vivre une nouvelle expérience pour le temps des sucres? La cabane urbaine est de retour cette année avec une nouvelle formule 100% sur la route. Que ce soit pour votre club social, votre entreprise ou pour gâter vos clients, la cabane urbaine vous offre un concept de cabane à sucre mobile. Sucrez-vous le bec avec la tire d'érable sur la neige et vivez l'expérience en y ajoutant de la mixologie de l'érable. Ou régalez-vous avec notre offre barbecue des sucres. Le tout dans un décor chaleureux et festif. Réservez votre expérience au www.cabaneurbaine.com ou visitez notre page Facebook. La cabane urbaine, un concept signé stratégique. En avril, voyez au cinéma Le Clap de Sainte-Foy et Loretteville, Shazam dès le 4 avril, Mia et le Lion Blanc dès le 12, Tanguy le Retour le 19 avril, Avengers Phase Finale dès le 26 avril. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était le groupe islandais Lucy in Blue, leur nouvel album In Flight. Et c'était la pièce A Light Part 2. Et on écoutera un autre extrait tantôt. Il y a quelques pièces. Ben, toutes les pièces sont intéressantes. Mais franchement, c'est sûr qu'on flotte entre le présent et le passé avec ce type de musique. Juste avant, Not Otherwise Specified, formation américaine. Et c'était la pièce Wandering the Wilderness, tirée de leur nouvel album Deadweight. Juste avant, la formation allemande T, tirée de Solipsistemology, et c'était la pièce When We Were Us. Et on avait débuté avec Consider the Source, formation américaine, et tirée de leur nouvel album You Are Literally a Metaphor, et c'était la pièce The One Who Knocks. Alors on poursuit avec maintenant une formation de la Pologne, Lebowski. Alors, il avait fait un premier album en 2010 qui avait été super bien reçu, et c'est leur retour après 9 ans avec l'album Galactica. Alors, une musique très cinématique. Franchement, cette pièce-là est très intéressante, la pièce Solitude of Savant. Alors, on débutera avec ça. On aura donc une autre pièce, ouais, de Lucy in Blue, la pièce Tempest. Et ensuite, on aura une formation que j'ai découvert grâce au Progressiste, le plus récent numéro, Manticore, qui avait déjà fait paraître un premier album en 1993. Puis là, il faisait un retour en 2018. C'est un groupe suédois, Manticore, qui sont inspirés par Emerson, Lake & Palmer, mais qui font un retour aussi... avec l'album Next Step Flight 19. Donc ça, c'est leur nouvelle étape, mais ils revisitent pas mal le passé avec ça. Donc on aura la pièce Beginnings de Manticore. On y va tout de suite en musique, donc, avec Lebowski. Thank you. La formation Manticore, tirée de Next Step Flight 19. On va terminer l'émission pour faire la transition, là, juste avant l'autoroute, puisque Vincent Delisle est là pour l'autoroute et commence à s'installer. Préparez-vous, parce qu'il y a de la bonne musique qui s'en vient pour toute la nuit. Et pour terminer donc et faire une transition, il y a un album qui est paru récemment, Serge Fiori, Seul Ensemble, Cirque Éloise. Et le Cirque Éloise, c'est un spectacle qui va être donné là, à partir du 20 juin au Théâtre Capitole. Ils ont repris les pièces là, d'harmonium et de Fiori Séguin et ils ont réarrangé. Et il y a une sur ça là, où ils ont ajouté un chœur à la fin. Là, j'ai trouvé superbe. Chanson noire. Alors on termine avec Chanson noire. Et c'était Bruno et Marc avec vous depuis 22h. On vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Tu serrais la corde et mon poing. Fleur noire, t'as besoin d'eau. Rends ton épine dans ma poing. Prends ma main. Réchauffe mon nez, moi je sens plus rien. Neige noire, poudre d'hiver. Et givré sur mon enfer. Sont ceux qui vivent plus haut. Moi j'ai loué la plage juste pour ça. Et tu la vas bon. Le sang coule par le sol comme de l'eau. Prends ma main. Brûle un parfum, découvre ton sein. Blanche sur